Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu ambariki nini yote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu Kristo. La prière. Maombi. C'est ce qui fait la force du croyant. Njo iko naleta nguvu ya mwaminifu. Il n'y a pas de chrétienté sans prière. Akuikalake bu Kristo bila maombi. Tout homme ou toute femme qui n'aime pas la prière. Mwanaume wote wala mwanamke wote wasipokupenda maombi. C'est un signe qui ne trompe pas. Ni alama yasipo kukotola. C'est un signe qui prouve qu'il n'est pas encore sauvé. Ni alama ile kuna kikisha sema ye balo kuokolewa. La prière est le premier pas. Un bébé. Maombi ndio hatua ya kwanza kwa mtoto mchanga ndani ya Kristo. Quand quelqu'un expérimente le véritable salut, wakati mtu anaonja wokovu ya kweli, il devient un bébé en Christ. Mwana kwa mtoto mchanga ndani ya Kristo. Il aime la prière. Anapenda kabaombi. C'est comme un bébé qui est né. Iko sawa mtoto mchanga anazaliwa. Qui n'a pas crié. Wasipo kulalamika wala kulia. Quand un bébé n'a pas crié. Wakati mtoto asikulie. Il est difficile qu'il ait la force de téter. Iko nguvu apate kuwa na nguvu yeye kunyonya maziwa. Quand un bébé a crié et qu'il est en bonne santé à la naissance. Wakati mtoto alilia na yeye mwafia njema wakati ya kuzaliwa. Il aimera aussi la parole de Dieu. Atapenda pia na neno la Mungu. Ce sont des choses réelles. Nibitu bia kweli. La chrétienté n'est pas une imagination. Bukristo haina mambo ya kuwazia. Mais la chrétienté est une vie. Na lakini Bukristo ni maisha, ni bujima. Écouter les enseignements c'est une bonne chose. Kusikiliza mafundisho ni kitu kizuri. Écrire les notes c'est une bonne chose. Kuandika ile wanafundisha ni kitu kizuri. Mais vivre les enseignements c'est la chose la plus meilleure. Na lakini kuishi mafundisho jo kitu kizuri zaidi. Il est difficile. Biko nguvu. Je dirais même impossible. Naweza hata kusema biwezekane. À quelqu'un de vivre la parole de Dieu. Kwa mtu yeye kuishi neno la Mungu. Sans vie de prière. Bila kuwa na maisha ya maombi. Cela est faux. Ni bia bongo. Il ne peut pas y avoir des changements dans la vie de quelqu'un. Hakuwezi kuwa mabadiliko mu maisha ya mtu. Sans la vie de prière. Bila kuwa na maisha ya maombi. Pas de révélation. Na hakuna ufunuo. De la parole de Dieu. Kwa neno la Mungu. Sans vie de prière. Bila maisha ya maombi. Pas la paix dans les foyers. Hakuna salama mu ndoa. Si il n'y a pas la vie de prière. Kama hamuna maisha ya maombi. Pas de progrès dans la foi. Hakuna maendeleo muimani. Si il n'y a pas de prière. Kama hakuna maombi. Quand on ne prie pas. Wakati ile auombe. On devient formaliste. Utakuwa tu wakonekana inje inje. Très intellectuel. Mwenye kuyua tu mukicho bule. On connaît beaucoup de choses. Mutayua vitu mingi. Mais on vit très mal. Na lakini unaishi mbaya. On connaît beaucoup de choses. On a eu habitu mingi. Mais on n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Na lakini hauna na boka wa Mungu moyo wako. On connaît beaucoup de choses. On a eu habitu mingi. Mais quand on arrive à agir. Wakati nafika yawe kutenda. On agit sans frein comme un païen. Ukunatenda bila kizuizo sawa mupagano. C'est vrai. Ni kweli. Quand on ne prie pas. Wakati ila uombe. On n'a pas une bonne expérience. Auna na onjo mzuri. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs. Mungu abariki banduku na badada. Qui aiment la prière. Benye kupenda maombi. Et que Dieu leur accorde. Na Mungu abapatie. Ce que leur cœur désire. Kile moyo yabo inatamani. Que Dieu bénisse les serviteurs. Mungu abariki mutumishi. Qui a conduit l'église dans la prière. Ule aliongoza kanisa katika maombi. Dieu a donné trois choses à l'église. Mungu alileta vitu tatu kukanisa. Il a donné la parole. Alileta neno. Il a donné son esprit. Alileta roho yake. Et il a donné la prière. Na kisha alileta tena maombi. Ce sont ces deux choses, ces trois choses vitu tatu qui font avancer une église. Je veux qu'on affoigne kanisa pate kusonga mbele kuendelea. Ce sont ces trois choses. Ni bibi tutatu. Qui font avancer un véritable chrétien. Je veux qu'on affoigne mon Christ wa kweli apate kuendelea. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Et pour la lecture de la parole. Na juu tena ya usomi wa neno la Mungu. Éternel des armées. Wa majesi wa milele. Avec reconnaissance. Na shukrani. Dans toute humilité. Katika unyenyekevu wote. Nous te disons grand merci. Tunasema asante sana. Si les portes de cette assemblée ont été ouvertes. Kama milango ya hii kanisa ilifunguliwa. C'est pour nous permettre de communier avec toi. Ni juu ya kuturuhusu tupate kuongea nawe. Nos frères et nos sœurs étaient ici depuis le matin. Kuna badada walikuwa patangia asubuhi. Les requêtes ont été présentées. Mahitaji yao walikuambia yo. Toi qui nous a donné, qui nous a doté des oreilles. Wewe ule ulitupatia masikio. Pour prouver que tu as aussi des oreilles pour entendre nos prières. Je kuhakikisha sema na wewe pia kuna masikio ya kusikiliza maombi yetu. Chaque prière. Ukubali kila ombi. Seigneur, que ta bénédiction. Bwana baraka yako. Repose sur ce peuple. Ipate kwa yule ya taifa. Merci au Père. Santi Baba. Viens, Seigneur Jésus. Kuja, Bwana Yesu. Dans la puissance de la résurrection. Katika uwezo wa ufufuko. Donne-nous un entendement meilleur. Utupatie kusikiliza kuzuri. Donne-nous la révélation de tes paroles. Utupatie ufunuo wa neno lako. Pour que le salut soit évident en nous. Juu ya imani pate kwa hakikisho ndani yetu. Bénis ta parole. Ubariki neno lako. Bénis la congrégation. Ubariki mkusanyiko mzima. Bénis ce culte. Ubariki ibada. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Sois honoré. Upate kuheshimiwa. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Ephésiens au chapitre 1. Mwa Efeso sura yake ya kwanza. Dans son verset 9. Mstari yake ya kenda. Jusqu'au verset 12. Hadi na mstari ya kumi na mbili. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Alitujulisha siri ya mapenzi yake. Selon les bienveillants desseins. Kufatana na makusudi yake. Il avait formé en lui-même. Il alitunga ndani yake mwenyewe. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Dieu a kubitumikisha wakati ile itafika. De réunir toutes choses en Christ. Ya kukusanisha vitu vyote ndani ya Kristo. Celles qui sont dans les cieux. Bienye kwa mumambingu. Et celles qui sont sur la terre. Na bienye kupatikana pa dunia. En lui nous sommes aussi devenus héritiers. Ndani yake na sisi pia tunakuwa bairiti. Ayant été prédestiné en suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Benye kutangulisha kuwekwa kufuatana na mipango ile aliweka na kutumisha ndani ya vitu vyote kufuatana na shauri ya mapenzi yake. Suivant le plan. Kufuatana na mapu. De celui qui opère ya ule kona tumika, toutes choses na kutenda vitu vyote d'après les conseils de sa volonté kufuatana na shauri ya mapenzi yake afin que nous servions ili tupate kutumikia à célébrer sa gloire kushangilia utukufu wake nous qui d'avance sisi bale tangia zamani avons espéré en Christ. Tulitumainiaka ndani ya Kristo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la de sa parole. Bwana Mungu waongeze baraka yake kusomi wa neno lake. Le pasteur Sam Kitoko. Pastori Sam Kitoko. Avec qui je parlais ce matin. Ule naliongea naye asubuhi ya leo. Vous a tous salué au nom du Seigneur Jésus Christ. Hadi nimisalimia nini yote mujina ya Bwana Yesu Kristo. Hier, nous avons parlé de la volonté de Dieu. Jana tulisemezea kuhusu mapenzi ya Mungu. C'est dans la volonté de Dieu. Ni ndani ya mapenzi ya Mungu. Que Dieu avait conçu son plan pour sauver tout homme sans exception. C'est dans sa volonté que ce projet d'envoyer l'homme Jésus. Jomule mapu yake ya kutuma huyu mtu Yesu devenir s'occuper de notre rachat. Ya kuya kuhangaikia ukombozi wetu. C'est dans la volonté parfaite de Dieu. Ni ndani ya mapenzi kamilifu ya Mungu. Que le triple dessein. Jomule makusudi tatu. Du mystère de Dieu ya siri ya Mungu a été conçu pour notre rachat. Dieu voulait devenir un homme. Mungu alipenda akuwe mutu. Il voulait habiter dans l'homme. Alipenda kuikala ndani ya mutu. Et il voulait rétablir son royaume. Alipenda kuweka ufalme yake. Afin qu'il vive d'éternité en éternité avec son peuple. Il y a pas de kuishi milele na taifa yake. C'est là où le projet fut fait. Jomule mapu yake alitunga. Et nous avons vu que l'amour de Dieu na tuliona ya kwamba mapendo ya Mungu a tellement aimé l'homme. Aliumpenda sana mutu. Et que l'amour ne voulait pas lui retenir n'importe quelle faute ou quoi que ce soit. Na mapendo ya Mungu aipende kumuchungia mutu kosa aizuru kosa gani. Dieu, Mungu, dans son amour, ndani ya mapendo yake, dans sa miséricorde, katika rehema yake, dans sa bonté, katika wema wake, dans sa compassion, katika buluma yake, il forma un projet de paix. Alitunga mapu ya salama. Il forma un projet de bonheur. Alitunga mapu ya raha ya heri. Pour chaque homme. Juu ya kila mtu. Pour chaque femme. Kila mwanamke na kila mwanaume. Pour tout enfant. Juu ya kila mtoto. D'Adam déchu. Wa Adamu ule alianguka. C'était un grand amour. Ilikuwa ni mapendo mkubwa. Et tout ça fut conçu dans l'éternité. Na ile yote alitunga mule mumilele. Aujourd'hui, je vais parler du conseil de sa volonté. Leo ntasemezea kuhusu shauri ya mapenzi yake. Le conseil shauri de la volonté de Dieu. Ya mapenzi ya Mungu. Qui est le bureau d'études de Dieu. Yenye kwa ofisi ya majifunzo ya Mungu. C'est ici, ni paifazi, dans les conseils de la volonté de Dieu, mu shauri ya mapenzi ya Mungu, où y a eu examen et re-examen, jomule mulikuwa kuchunguza na kuchunguza mara tena, de tout ce que la pensée de Dieu avait conçu, ya ile yote mawazo ya Mungu ilitunga, de tout ce que la présence de Dieu avait vu, ya ile yote kutanguria kuyua kwa Mungu alionaka, tout en tenant compte mukuangalia de chaque élément kila kitu qu'avait révélé la présence de Dieu. Kile kutanguria kuyua kwa Mungu kurifunua. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Le plan était conçu dans sa volonté. Mapu balitunga katika mapenzi yake. Elohim avait déjà conçu cela. Elohim alikuwa anesha kuitunga. Mais cela devait passer par le bureau d'études de Dieu. Lakini ilipashi pite kwanza office ya majifunzo ya Mungu. J'aime que l'église saisisse cela. Mimi napenda kanisa ipate kuishika. Vous qui notez. Mwe venye kuandika. Notez premièrement. Muandike kwanza. La pensée de Dieu. Wazo ya Mungu. Avait conçu et avait exposé ses projets sur l'homme. Ilitunga na kuweka mapu yake yule ya mtu. Deux. Ya pili. La volonté parfaite de Dieu. Mapenzi kamilifu ya Mungu. Voulait sauver tous les hommes sans exception. Ilipenda kuokola bantu bote bila kuondosha mwata moja. Trois. Ya tatu. La préscience de Dieu. Kutangulia kujua kwa Mungu. Vu. Iliona. Ce que la pensée de Dieu avait conçu. Kile mawazo ya Mungu ilitunga. Ce que la volonté de Dieu voulait. Kile mapenzi ya Mungu ilitaka. Mais la pression de Dieu, alakini kutangulia kuyua kwa Mungu, vu ce qui se passerait sur la terre, kuliona ile yote tafanika pa dunia, lorsque Elohim, wakati ile Elohim, viendrait dans les temps, atakuyaka mu wakati, la pression de Dieu, kutangulia kuyua kwa Mungu, constata, kulionaka, observa, kulichunguza, toutes choses sur la terre, vitu vyote pa dunia, observa ikaona le comportement de chaque individu namuna ya kujiongoza kwa sur la terre pa dunia, le comportement de chaque être ya kila kitu sur la terre pa dunia, lorsque Elohim, Elohim viendrait dans le temps pour accomplir tous les plans qu'il avait conçus dans sa pensée et tout ce qu'il avait voulu accomplir sur la terre selon sa propre volonté. Kufuatana na mapenzi yake mwenyewe. Et quand la prescience, wakati ile kutangulia kujua, vu, kuliona, constata, kulichunguza, observa, kuliangalia, le comportement de chaque homme sur la terre, kujiongoza kwa kila mtu pa dunia, lorsque le plan de Dieu lui serait proposé, annoncé, wakati mapu ya Mungu batamutangazia yo, c'est à ce moment-là, njo mwile wakati ile, que le conseil, njo shauri, de Dieu, ya Mungu, entra en étude ikaingia katika majifunzo et pour délibérer na juu ya kuchunguza sur toutes choses kubeba mipango yulu ya kila kitu tous les plans de Dieu kubeba mipango yulu ya mapu il avait conçu dans sa pensée ile alitungaka katika mawazo yake et sur sa volonté na yulu ya mapenzi yake. Qu'est-ce que la prescience de Dieu avait dit à la volonté de Dieu? Nini nile kutangulia kuyua kwa Mungu kulioneshaka mapenzi ya Mungu? La prescience de Dieu kutangulia kujua kwa Mungu dit à la volonté de Dieu kulimwambiaka mapenzi ya Mungu que ta volonté est bonne. Ya kwamba mapenzi yako ile iko ya mzuri. Elle est parfaite. Iko kamilifu. Tu veux sauver tout homme. Unapenda kuokola bantu bote. Parce aucun d'eux n'est responsable de sa chute. Ju hakuna hata mmoja mwenye kuwa na buzito ya kuanguka kwake. Mais je te fais remarquer quelque chose. Alakini nakuonesha kitu kimoja. J'ai vu mina tangulia kuona que lorsque tu seras dans le temps, ya kwamba wakati ilo takuya munyakati, lorsque ton plan sera exposé, wakati mapu yako batabambia, ce plan que tu avais conçu dans ta pensée, ile mapu yako litungaka mu mawazo yako, et ta volonté de sauver tout le monde, na mapenzi yako ya kokola bantu bote, mais j'ai vu, alakini mina tangulia kuona, que parmi les hommes, ya kwamba katikati ya bantu, parmi ces créatures, katikati ya maumbile yako, il y a des hommes et des femmes huku wanaume na wanamuke, qui n'apprécieront pas ta volonté. Bale avata itikia mapenzi yako. Le conseil de Dieu, shauri ya Mungu, après avoir vu, kisha yayo kuona, ce que la pensée de Dieu avait conçu. Kile mawazo ya Mungu ilitungaka. Ce que la volonté de Dieu voulait sur tout homme. Kile mapenzi ya Mungu ilipenda yulu ya kila mtu. Le conseil de Dieu entra. Shauri ya Mungu sasa ikaingia mukazi. C'était maintenant pour étudier. Ilikuwa ni juu ya kujifunza. Et pour délibérer. Na juu ya kuchugua mipango. Sur tous les projets. Yulu ya mapu yote. Que Dieu avait conçu. Ile Mungu alitangulia kutunga. Et sur la volonté de Dieu. Na yulu ya mapenzi ya Mungu. Tout en tenant compte, mukuangalia tena, tout en respectant mukuheshimia, la pensée de Dieu, mawazo ya Mungu, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, et la présence de Dieu. Na kutangulia kuyua kwa Mungu. Quand le bureau d'études de Dieu wakati ofisi ya est en train pour délibérer, iliingia juu kuchugua mipango, sur la pensée de Dieu, yulu ya mawazo, sur la volonté de Dieu, yulu ya mapenzi, sur la présence de Dieu, yulu ya kutangulia. Le conseil de sa volonté ne pouvait écarter haikuwezi kuondosha quoi que ce soit. Aizuru kitu gani. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. Vous verrez comment vraiment Dieu est Dieu. Mungu anabakia paka il agit Mungu dans l'harmonie. Eko natenda katika mapatano. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Dans le bureau d'études de Dieu mwile office que nous appelons le conseil de sa volonté, on devait respecter chaque chose. Baripashi kuheshimia kila kitu. Néanmoins, mettre chaque chose kueka, à sa place. Kueka kila kitu pa fazi yakyo. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a eu conseil de sa volonté. Juu ya nini? Kulikuwa shauri ya mapenzi yake. C'est pour que le plan de Dieu juu ya mapu ya Mungu et la volonté de Dieu ya mapenzi ya Mungu se réalise ipate kutimilika mot à mot paka vile se réalise ipate kutimilika comme la pensée de Dieu l'avait vu paka vile l'avait conçu paka vile mawazo ya comme la volonté de Dieu le voulait paka vile mapenzi et comme la présence de Dieu l'avait vu na paka vile kutangulia kwa kuyua kwa Mungu kuliona bila kuvunja. Sans briser. Bila kuvunja. L'un de ces trois éléments. Bila kuvunja mwata kitu kimoya muibi bitu tatu. Parce qu'il fallait que tout ce que Dieu avait conçu. Ju iripasha bila vyote Mungu alitunga. Se concrétise. Bipate kuonekana. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada. Et pour que tous ces projets na, juya, mapu yake yote, et tous ces plans réussissent, yake yote, pate se concrétisent, le conseil de Dieu ya Mungu, est entré maintenant en scène. Ika ingia sasa mukazi, en prenant compte mukuangalia de tous les éléments fournis mama yote par la volonté de Dieu, na, par la pensée de Dieu ya Mungu, et par la présence de Dieu. Na, l'Église est avec moi. Kwa Mungu. Est-ce que l'Église est avec moi? Eti kanisa munaelewa? Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendwa. Pour que tous les projets yote, que Dieu avait conçus Mungu alitunga, dans sa pensée, mawazo yake, dans sa volonté, mapenzi yake, dans la préscience qu'il avait vu, Mungu tangulia kuyua, parce qu'il fallait que ces choses, ilipashi, ces plans, ces projets réussissent, se concrétisent. Maintenant, c'est le plan, c'était maintenant le travail du conseil de Dieu. Ya shauri ya Mungu. On devait maintenant baripashe sasa conseiller kumushauri la volonté de Dieu. Kushauria mapenzi ya Mungu. Si pas de sa décision. Kufuatana na mipango yake. Et quand le conseil de sa volonté. C'est pourquoi l'écriture dit wakati shauri ya mapenzi yake. Joko maana andiko inasema. C'est pourquoi l'écriture dit joko maana andiko inasema. En lui ndani yake nous sommes aussi héritiers. Tuko na sisi pia ayant été prédestinés. Wale walitanguliwa kuwekwa. Suivant les plans kufuatana na mapu de celui qui opère toutes choses. Il opère toutes choses. C'est d'après. C'est d'après. Voyez les conseils de sa volonté. Voilà pourquoi les bureaux d'études. Il est office ya majifunzo. Je pense que quand j'ai parlé de ça, wakati vous n'avez pas bien compris, maintenant comprenez parce que je parle de la réalité. Maneno haya, sasa muelewe, juu ni kunasema mambo yako. Quand j'ai parlé de la Jekamine, c'était difficile pour vous. Wakati naleta mufano ya kampuni ya Jekamine, ilikuwa ngufu kwenu. Maintenant, sasa hapa, c'est ça les bureaux d'études de Dieu. Jo inyeshauri office ya majifunzo ya Mungu. Les conseils de sa volonté. Shauri ya mapenzi yake. Et dans les conseils, dans les bureaux d'études. Mule mu office ya majifunzo. Il n'y a rien. Amuna kitu. Il n'y a aucun élément. Amuna kitu ataki moya. Qui devait être écarté. Kile baripashi kuondosha mwapana. On devait tenir compte. Baripashi kuangalia. De chaque élément. Kila kitu. Fourni par la pensée de Dieu. Kia kutokea mwawazo. Par la volonté de Dieu. Kia kutokea mapenzi. Par la présence de Dieu. Na kia kutokea mkutano. Il fallait les mettre ensemble. Baripashi kubieka. Et dégager. Na kutosha. Une solution. Zibu. Définitive. Ya mwisho. Un plan définitif pour le rachat et le salut de l'homme péché. L'Église est avec moi. Sur base de la préscience. Dieu vit. Mungu alionaka. Elohim vit. Elohim alionaka. Quel est-ce que son plan ya kwamba wakati ile mapu yake serait exposé bataionesha sur la terre à tous les hommes padunia kubantu boti comme nous l'avons signifié dans les jours passés paka vile tulionesha masiku ilipita les uns l'accepteront bamoja bataitikia et les autres le rejeteront na bengine nabo bataikatala. La préscience kutangulia kuyua dans les conseils de la volonté ndani ya shauri ya mapenzi révèle encore à la volonté inamufunulia tena mapenzi ya Mungu. La préscience kutangulia kuona kuyua via la volonté de Dieu kukambia mapenzi ya Mungu. La préscience kutangulia kuyua révèle à la volonté de Dieu unamufunulia mapenzi ya Mungu encore. Na kumwambia tena écoute la volonté de Dieu usikilize we mapenzi ya Mungu. Regardez l'homme. Tazama mutu. Et toi tu vas créer. Ule wewe utaumba. Quand le temps viendra. Wakati pale tafika. Sera doté du libre arbitre. Atakuwa na kipendaro cha kuchagua. Et ce libre arbitre. Na ile kipendaro cha yeye kuchagua. Que Dieu lui-même, Elohim lui-même, lui dotera. Il est Elohim, wala Mungu ye mwenyewe atampatiaka. Le rendait totalement libre. Itamwachaka kwa kabisa kabisa uhuru. Rendre totalement l'homme libre. Itamufanya mutu apate kwa kabisa kabisa. De faire ce qu'il veut. Ya kufanya kila anapenda. Même si ta propre volonté. Ata kama mapenzi yako nataka nini. La préscience dit à la volonté, dans les conseils, kutanguria kuyua dans les bureaux d'études. Unamwambia mapenzi ya Mungu. N'oublie pas Elohim. Ya shauri. Ya kwamba n'oublie pas Elohim. Usisahau Elohim. Toi, weye, tu as ta volonté. Uko na mapenzi yako. Et l'homme que tu veux sauver sur la terre, na mtu ulo napenda kokola pa dunia, il a aussi sa propre volonté. Na ye, eko na mapenzi yake. Comme toi tu es libre vile we uku uru, de sauver tout le monde, ya kokola bantu bote. L'homme aussi est libre mtu na ye, eko na uru, de refuser ton rachat. Ya kukatala ukombozi yako. Sa propre volonté. Mapenzi yake ye kanisa munafuata. Dieu avec sa volonté. Mungu eko na mapenzi yake. L'homme aussi avec sa volonté. Mtu na ye, eko na la volonté de Dieu. Dieu lui permet, lui donne le pouvoir de faire ce qu'il veut. L'homme aussi avec sa volonté, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Vous voyez, et l'homme a le pouvoir de faire ce qu'il veut, même si la volonté de Dieu. L'église est avec moi. Kanisa munaelewa. L'église est-elle avec moi? Eti, kanisa, munasikia? Nous sommes dans l'éternité. Tuko mule mu milele. Nous sommes dans le bureau d'études de Dieu. Tuko mule mu office ya majifunzo ya Mungu. Il y a un débat. Muko mambo ya kusikilizana. Voyez, munaona? Il y a un débat. Mule muko mambo dans le bureau d'études. Mule mu office. Dans le conseil de Dieu. Pour harmoniser les points de vue. Afin que Dieu ne sois pas un menteur. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en lui. C'est vrai. Il faut que tous les points soient harmonisés pour que tout ce que tu avais conçu puisse se réaliser. Parce que Dieu n'est pas une source trompeuse. La préscience de Dieu. Kutangulia kujua kwa Mungu. Dit à la volonté de Dieu. Kukaambia mapenzi ya Mungu. Que fera Dieu? Ya kwamba sasa hapa wewe utafanya nini? Avec ces hommes et ces femmes. Na baba na mke na banaume. Il ne veut pas de ton salut. Bale abapende abataki mapenzi yako. Sauveras-tu? Eti utaokoa? Même ceux qui te rejettent? Atavale wanaukata? Sauveras-tu? Eti utaokola? Même ceux qui ne t'honorent pas? Atavale wakueshimu? Sauveras-tu? Eti utendela kuokoa? Même ceux qui ne veulent pas toucher? Atavale wapende kugusa? Ni entendre? Wala kusikiliza? Ni accepter? Wala kuitikia? Ton plan du rachat, ton plan du salut? Mapu yako ya okofu? C'est un débat terrible. C'était un débat terrible. Quand la préscience lui dit, wakati kutangulia kujua kukamwambia, moi je te dis ce que j'ai vu. Mimi nakuambia ile mimi natangulia kuona. La pensée, wazo, avait conçu. Ilitunga. Mais la pensée n'avait pas vu. Alakini, wazo ya Mungu haikutangulia. La volonté mapenzi ya Mungu avait voulu. Ilipendaka. Mais la volonté alakini, mapenzi n'avait ya Mungu pas vu. Haikutangulia yake kuona. Vous voyez? Unaona? Mais la préscience lui, alakini, elle a vu. Kwa Mungu ko. Ulitangulia yake kuona. La préscience dit, kutangulia kuona, dit à la volonté, kujua kwa toi tu veux sauver tout homme, kukambia mapenzi ya Mungu, vile unapenda kuokola bantu bote, vas-tu rejeter, etu utakatala, ce que moi j'ai vu, bile mi natangulia kuona, la volonté dit non, mapenzi ya Mungu kasema apana, ce que tu as vu est vrai, bile unatangulia kuona ni vya kweli, ce que toi tu as vu c'est la vérité, bile unatangulia kuona ni vya kweli, mais ce que je veux, alakini bile mimi nataka, c'est la vérité, ni kweli, ce que j'ai conçu, bile ce que la pensée a conçu, bile c'est aussi Mungu la vérité. Ilitangulia kutunga nayo ilikuwa ni ukweli. La présence dit, que feras-tu alors? Utangulia kuyua kwa Mungu kakamuuliza. Basi hapa, utafanya parce nini? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas juu, huku vantu vale, abataitikia ubaokole. Voulez-vous, seras-tu un dictateur? Eti utakuwa wakukazisha bitu. Parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Abapende tu vas dire, olinga, olinga te, je vais te sauver. Utasema, mutake wa mutake, minta miyokola tu. La volonté dit non, je ne suis pas un dictateur. Mapenzi ya Mungu kasema pana, mimi sina mudikteta pana. C'est pourquoi? Njo kwa mana? J'ai donné. Nalipatia. La liberté. Uhuru. La volonté. Ya kuchagua. À l'homme. Mapenzi ya mutu. Ya kufanya kila nataka. L'église est avec moi. Eti kanisa munafata. Comme Dieu ne voulait pas être dictateur. Vile Mungu asikupende kukazisha bitu. Et agir contre la volonté de l'homme. Na Mungu asipende kutu. Tenda kinyume ya mapenzi ya mutu. Dieu prit maintenant la décision. Sasa Mungu akachukua mipango. Après étude et délibération. Na kuchukua mipango. De choisir. Ya kuchagua. Et de sauver. Ya kuokoa. Tout homme. Mwanaume wote. Sur base. Mutu wote. De ce que la préscience a vu. Mutu wote kufuatana na kile kinachojua kwa Mungu. Du libre arbitre de l'homme. Na kufuatana na uwezo. Et non sur base. de sa propre volonté. L'Église est avec moi. Est-ce que l'Église Kambove est ici? Dieu ne voulant pas être dictateur. Ne voulant pas agir contre la liberté de l'homme, contre la volonté de l'homme, contre son libre arbitre. Dieu ne voulait pas distraire l'homme. Il ne voulait pas mépriser sa liberté. Mungu asikupende kubeula uhuru ya kuchagua kwa mtu. Sa volonté, non. Mungu asikupende kubeula mapenzi ya mtu. Parce que dans la volonté de l'homme, dans sa liberté, c'est là où il trouvait sa joie. C'est là où l'homme trouvait son bonheur. Agir contre sa volonté, c'est l'homme. Itakuwa ni kumuhuzunisha mtu. Dieu refusa d'être dictateur. Mungu alikatala kukazisha mtu. Dieu refusa. Mungu alikataa d'agir contre la volonté de Dieu. Kutenda, et contre la volonté de l'homme. Mungu alikatala kutenda kinyume ya mapenzi ya mtu. Comme Dieu. Sawa vile Mungu. Refusa d'agir contre la volonté de l'homme. Alikatala kutenda contre la liberté de l'homme. Il refusa d'être dictateur. Alikatala kukazisha mtu. Après délibération dans le conseil de sa volonté. Après avoir conseillé sa volonté. Après avoir fait remarquer la volonté, ce que la présence avait vu, kile kutangulia kuyua kwa Mungu kulitanguliaka kuona décida Mungu sasa akachukua mipango maintenant ya kwamba hapa sasa quand je serai sur la terre dans le temps wakati ile nitakuwa pa dunia muwakati mnaona d'abord kwanza je choisis l'homme nachagua mtu. Et je vais le sauver non, t'as m'okoa, sur base ufuatana, de ce que la préscience de Dieu a vu na kile kutangulia kujua, et sur base du libre arbitre de l'homme lui-même na uhuru ya kuchagua kwa je ne sauverai plus quelqu'un, je ne sauverai plus tout homme sur base de ma propre volonté ufuatana na après avoir écouté les conseils de la préscience de Dieu. Après que la présence de Dieu m'a fait voir ce que comment l'homme agirait sur la terre. Néanmoins ma volonté. Ata vile mapenzi yangu. Reste. Ibaki et tout. Tel que je le voulais. Paka vile naliipenda. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni kweli dada yangu. Et dans l'éternité. Na mule mumilele. C'est à ce moment-là. Jomu ile wakati ile sasa. Dans le conseil de sa volonté. Mule mushauri ya mapenzi yake. Que la sagesse. Et l'intelligence de Dieu na, akili ya Mungu, intervenir ikasema, pour harmoniser toutes choses biote, dans les plans mumapu, conçus par Dieu. Ile Mungu alitunga. C'est dans les conseils de sa volonté. Ni mule mushauri ya mapenzi yake. Que la sagesse de Dieu. Jomule ekima ya Mungu. Les conseils de Dieu, l'intelligence de Dieu. Na akili ya Mungu. Sont intervenus. Na yo ikasema. Pour harmoniser. Kusaidia. Toutes choses. Juu ya kupatanisha bitu. Pour mettre ensemble. Juu ya kuweka bitu. Tous les éléments d'Elohim. Biote bia Elohim pamoja. Vous voyez, pour harmoniser. Juu ya kupatanisha. Ce que la pensée de Dieu avait conçu. Ile mawazo ya Mungu ilitunga. Ce que la volonté de Dieu voulait. Ile mapenzi ya Mungu ilitaka. Ce que la présence de Dieu avait vu. Ile kutangulia kuyua kwa Mungu kulionaka. Et toutes les discussions qui étaient liées au plan du salut. Na ile mabubishi yote iliambatana na mapu ya wokovu. Au comportement de l'homme. Namna kujongoza kwa mtu. À son libre arbitre. Kufuatana na uhuru yake ya kuchagua. Et na la sagesse. Na hekima. L'intelligence. Akili. Voyez. Munaona. Quand je dis. Wakati Mungu alisema qui l'a conseillé? Ni nani ule alimshauria? Munaona? Quand je suppose qui l'a conseillé? Wakati Mungu anauliza ni nani ule alimshauria? C'est C'est sa sagesse, c'est son intelligence, il a conseillé. Ouais, bien, mes frères, la sagesse et l'intelligence n'étaient pas une autre personne. Voyez, dans Elohim, la pensée ou la volonté ou la préscience n'étaient pas des personnes. Dans Elohim, ce sont des facultés. Dans Elohim, l'Église est avec moi. Est-ce que l'Église est avec moi? La pensée de Dieu a une abantu. La volonté de Dieu a une aseme. La présence de Dieu a une muntu. La sagesse a une muntu. L'intelligence a une muntu. Ni ma faculté. Ce sont les capacités. Ce sont des facultés qui se trouvent. Qui se trouve dans Elohim. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il y a des endroits, je n'ai pas le temps de vous les montrer aujourd'hui, il y a des endroits où Dieu parle de lui-même comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Il y a déjà du sang. Il parle de lui-même comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Vous voyez bien, mes frères? Et ça, ce sont les facultés de Dieu qui étaient. C'est pourquoi vous voyez l'écriture dit. Regardez comment l'écriture dit. Retournons à Ephésiens. Écoutez comment l'écriture dit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même. Ce sont des facultés qui existent à Elohim, qui devait être harmonisé pour que Dieu reste toujours Dieu. Pour qu'il ne sorte pas de sa bouche un mensonge. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Oui, bien-aimé soeur. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu sont intervenus pour harmoniser tous les éléments que Elohim avait présentés dans le conseil de sa volonté. C'est vrai. Dans Job. Dans Job. Job. Chapitre 12. Sura yake ya 12 ya Yobu. Verset 13. Msari ya 13. Dans Job chapitre 13. Chapitre 12 verset 13 à 14. Yobu 12 13. Ah Elohim! Daniel Elohim. En Dieu, là je vous ai écrit. En Dieu. Ule kwani banaandika ndani ya Mungu. Réside la sagesse. Et la puissance, le conseil Shauri et l'intelligence lui appartiennent. En Dieu réside la sagesse Ekima et la puissance. Uwezo, le conseil Shauri et l'intelligence lui appartiennent. Yote ibini biake. Ce qu'il renverse il est qu'on angusha, ne sera point rétabli. Ayeze kamo kuyengululwa. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Celui qui l'enferme anaifunga, ne sera point délivré. Il anafunga, ayeze kufunguliwa. Écoutez. Musikilize. En Dieu. Dani ya Mungu. En Elohim, Elohim réside la sagesse kwanza, ekima, et la puissance. Na uwezo. Deux, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. C'est vrai. Ni kweli. Proverbe. Mezali. Chapitre 8. Mezali. L'écriture des témoins de Jéhovah. Ils ne comprennent l'écriture des témoins de Jéhovah qu'ils utilisent pour montrer que Jésus a existé comme un homme avant l'éternité. Quel mensonge, manque de révélation. L'écriture que les témoins de Jéhovah utilisent beaucoup. Proverbe chapitre 18. Chapitre 8. Proverbe chapitre 8, Mezali, sura munani, le verset 12. Kuminambili. Moi, la sagesse. Mimi ekima. J'ai pour demain le discernement. Makao yangu ni kufafanusha. Et je possède la science de la réflexion. Niko na ekima ya mafikili. Moi, la sagesse. Mimi ekima. J'ai pour demain le discernement. Makao yangu ni kufafanua. Et je possède. Na niko na. Je possède. Niko na. La science na de la réflexion. Ekima wala. Ekima ya mafikili. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Il possède. Eko na. Une grande connaissance na ufamu mkubwa qui vient de sa méditation. Ya kutokea mumafikiri. Où s'est passée la méditation? Wapi kule où s'est passée la réflexion de Dieu? Wapi kule la réflexion d'Elohim? Ufanika? C'est dans son conseil de sa volonté. Ni ndani ya shauri ya mapenzi yake. Où est-ce que la... non, son intelligence ni fazi kani et sa sagesse na hekima yake est intervenue pour harmoniser la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la présence de Dieu, c'est dans son conseil de sa volonté, dans son bureau d'études. C'est pourquoi nous vous avons montré que dans les bureaux d'études, les techniciens qui travaillent dans les bureaux d'études sont des hommes doués. Ils sont doués d'une haute sagesse. Ils sont doués des talents, des dons naturels. Ils sont doués d'un esprit de discernement et de réflexion. L'Église est avec moi. Avez-vous suivi cela? Allez écouter les bandes. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Et dans les conseils de la volonté de Dieu, Elohim lui-même, pour conseiller sa volonté, pour harmoniser les points de vue de tous les éléments qui étaient fournis par la présence de Dieu. Ililetwa na kutangulia kujua kwa Mungu. La sagesse. Hekima. A tout discerné. Ikatambua yote. La sagesse. Hekima. A réfléchi longuement. Ikafikiri muda mrefu. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai mon frère. Ni kweli ndugu yangu. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Regardez le verset 14. Tazameni mstari wa 14. Le conseil. Shauri. Et le succès. Na. M'appartiennent. Na kuweza ni yangu. Je suis l'intelligence. Mimi niko akili. La force est à moi. Uweze kundani yangu. Qui est l'intelligence? Akili ni nani? C'est Elohim. Ni Elohim mwenyewe. C'est vrai. Ni kweli. Qui est la sagesse? Et qui m'a ni nani? Et qui est la force? Ni nani nguvu? C'est Elohim. Ni Elohim mwenyewe. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Regardez le verset 17. Tazameni mstari wa 17. J'aime. Napenda. Ce qui m'aime. Vale wananipenda. Et ce qui me cherche. Na vale wananitafuta. Me trouve. Beko na nipata. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai. Ni kweli. Voyez comment la sagesse conseille. La sagesse est entrée. Dans le conseil de sa volonté. Na muna kani hekima inaingia. C'est la sagesse qui dit. C'est la sagesse qui dit. À la volonté de Dieu. Ni hekima na mwambia. Qui dit. à Elohim. Elohim. Il dit, inasema, j'aime napenda, ce qui m'aime. Vale penda, et ce qui me cherche, vale me trouve. C'est vrai. Verset 29. Verset 29. Nous lisons ceci. Hivi, lorsqu'il donna une limite à la terre. Kwa, kwa bahari, non, non, commençons d'abord le verset 19. Continuons. Mstari ya 19. Ok, continue. Tuendele. J'aime ce qui m'aime. Napenda wale et ce qui me cherche wale me trouve. Beko nanipata. Avec moi pamoja sont nani la richesse et la gloire. Na utukufu. La richesse et la gloire utajini est avec Dieu. Na e, na kama uko na Mungu, uko na vyote. C'est vrai, frère. Le bien bizuri, durable est la justice. Na uaki. C'est vrai, frère. Quand tu as Dieu, tu Mungu, as des biens durables. Bitu ya ugawia, ya pas de mensonges. Apena, apana budanganifu. Comme nous les avons aujourd'hui. Vile tuku na leo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Je ne vais pas entrer dans l'angle évangélique, sinon ça va barder ici. Voyez bien mes frères. Avec moi sont la richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Frères, dada. Poke à tout Yesu. Mambo yote inamalizika. Tout va se régler. Butajiri ya mtoto wa Mungu. Heshima ya mtoto wa Mungu. Salama ya mtoto wa Mungu. Ukingo ya mtoto wa Mungu. Uhaki ya mtoto wa Mungu. Ni Kristo ndani ya maisha yake. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Hekima. La sagesse. Fata Mungu mro yako. Reçois Dieu dans ta vie. C'est vrai, frère. Dion quand tu as Dieu, tu as le discernement. Tu es intelligent. Tu es sage. Quand tu as Dieu, tu as la connaissance. Voyez de sa volonté. Il ne peut pas briser sa volonté. Il ne peut pas gêner sa volonté. Il ne peut pas gêner sa parole. Dieu est notre richesse. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Avec moi, sont la richesse et la gloire. Les biens durables. Bitu ya kugawia et la justice. Na uaki. Mon fruit est meilleur que l'or. Iku mzuri kushindia que l'or but. Et mon produit na est préférable à l'argent. Iku mzuri kushindia je marche dans les chemins de la justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leurs trésors. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit, Dieu nous a dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur. Voyez, il y a de l'espérance dans ce que Dieu fait. Dans les sentiers de Dieu, il y a de l'espérance. Il n'y a pas de réception. Frère, tu ne peux pas te confier en Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et être déçu. C'est vrai, père. Car vous avez Dieu, vous avez toutes les bénédictions éternelles. C'est vrai, frère. L'Éternel m'a acquise. Elohim m'a acquise. Au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Et dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Vous voyez. Ici. Ici, apa. Dieu parle, Mungu sema, non pas de la deuxième personnalité de la divinité, sawa, non, il apana. Parle de sa propre sagesse. Qui mwenyewe, est la sagesse? Ni c'est Elohim lui-même. Elohim ici, apa. Il parle du bureau d'études dans lequel sa sagesse, mule, son intelligence, yake, son discernement devait harmoniser toutes choses. Pour que tous ces plans, et même le plan du salut de l'homme, se réalise, se matérialise sans faille. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai. C'est Christ. Ni Christo. C'est vrai. C'est si c'était dans les bureaux d'études. C'est vrai. J'ai été établi depuis l'éternité. Il a été établi où? Dans l'éternité. Dans le conseil de sa volonté. Là où il faisait le travail. C'est vrai. Dès le commencement. Voyez. Attention ici. Dès le commencement, c'est depuis l'éternité. Dès le commencement, c'est lorsque Elohim est devenu Dieu. L'Église est avec moi. Ici, au commencement, cette sagesse, cette intelligence qui a œuvré dans les bureaux d'études, dans les conseils de la volonté de Dieu, quand l'État est venu, quand Elohim voulait sortir de l'éternité pour venir dans l'État, la première créature c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il a amené avec lui tout ce qu'il était dans l'éternité. C'est vrai, frère. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé dans l'éternité. Au commencement, quand Elohim est devenu Dieu, même l'éternité était en lui. C'est vrai, frère. Ça, c'est ça le mystère. Le mystère de sa volonté. C'est vrai, frère. Quand Dieu, quand Elohim sort de l'éternité, quand il se forme le corps, c'est ophanique la parole. C'est dans le corps parole que toute l'éternité a été confinée. Maintenant Elohim, toute l'éternité, il vient dans le temps pour réaliser tout ce qu'il avait conçu, voyez, et tout ce qui avait été décidé dans le conseil de sa volonté. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, Dieu, voyez, Jéhovah, le Logos, a existé avant que la terre ne fût. Parce que c'est Dieu qui créa la terre. L'Église est avec moi. Est-ce que l'Église est avec moi? Attention avec ce qui est dit ici. Il y a dès le commencement, et il y a l'origine de la terre, et il y a avant l'éternité. Vous voyez? Dès le commencement, c'est la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a créé toutes choses. Il n'y a rien qui existe qui n'a jamais été créé par la parole. Vous voyez? Avant l'origine de la terre, avant que la terre ne fût, d'abord Elohim est devenu Dieu. C'est lui qui est devenu le commencement. Est-ce qu'elle est avec moi? Si j'avais oublié de dire aux techniciens, tu vois, dans la divinité, c'est une combinaison des enseignements. Est-ce que le schéma est... Ah, c'est déjà facile. Voyez dans... Dans le graphique que je vous avais donné, quand Elohim a quitté l'éternité pour se confier, pour se confiner en Jéhovah, dans le Logos, c'est ce qui est expliqué ici. Voyez, ce ne sont pas deux personnes, trois personnes. Non. Vous voyez bien mes frères, j'ai vu enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, les abîmes sont venus après. Voyez-vous les frères. Mais quand Dieu a sorti de l'éternité, que les choses sont firmes maintenant créées. C'est vrai, frère. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient fermées. Avant que les collines existent. Je suis enfanté. Il n'y avait encore. Il n'avait encore fait. Il n'avait encore fait. C'est Elohim. Voyez, dans un corps théophanique. Il n'avait encore fait. Ni la terre. Ni les campagnes. Ni le premier atome. C'est la poussière du monde. Vous voyez. Avant qu'il y ait terre. Avant qu'il y ait terre, avant qu'il y ait atome, d'abord celui qui a existé, c'est Dieu, le Logos, Jéhovah, le premier, le commencement, la parole, Christ, là, au commencement. Voyez bien mes frères, là il n'y avait pas encore de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de eaux, il n'y avait pas d'abîme, mais quand Elohim est sorti de l'éternité, il était seul d'abord, avant même qu'il ait créé les anges, voyez, il était lui, lui-même Dieu, Elohim est devenu Dieu, il est devenu le commencement, c'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Ici les témoins de Jéhovah ne comprennent absolument rien. Dans le verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse à sa présence. Vous pouvez continuer. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. La sagesse. L'intelligence. L'intelligence c'est qui? C'est Elohim. La sagesse c'est qui? C'est Elohim. Le discernement c'est qui? C'est Elohim. Ces choses ont été harmonisées. Tous les plans de la rédemption de l'homme. Et tous les plans de tout ce qui devait être créé sur la terre. Puis harmonisés. Dans le conseil de sa volonté. Et c'est dans le conseil de la volonté de Dieu que la sagesse et l'intelligence de Dieu sont intervenus pour harmoniser tous les éléments. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Pour qu'il n'y ait pas de différence. Qu'il n'y ait pas d'opposition entre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu et la pression de Dieu. Écoutez avec moi. Quand il y a bureau d'études de Yamoun que nous appelons les conseils de sa volonté. Il y a Yakupatanisha. Puis les biotes Mungu Aritunga. Tous les éléments que Dieu a Nama Penzi Yamungu. Et la volonté de Dieu. Il en va préscience Yamungu Riona. Yote, il s'aime Kitu Kimoya. Il est de Dieu Moya. Qu'il n'y ait pas opposition. Et pour qu'il n'y ait pas opposition. Dieu lui-même, comme en lui réside la sagesse, comme en lui, il a lui-même l'intelligence. C'est sa propre sagesse, c'est son intelligence qui a encore harmonisé ces différents éléments qui étaient produits dans les conseils de sa volonté. C'est vrai, frère. C'est vraiment sœur. C'est pourquoi Dieu dit, je ne sauverai pas l'homme sur base de ma volonté. Non, je vais le sauver sur base de son libre arbitre. Et sur base de ce que la préscience m'a dit. Je ne peux pas ignorer ce que la préscience m'a dit. Je ne peux pas mépriser les conseils. Je ne peux pas mépriser le conseil de la préscience. Je dois respecter ma pensée, parce que ma pensée qui a conçu est une partie de moi-même. La volonté est une partie de moi-même. La conscience est une partie de moi-même. Alors il doit y avoir de l'harmonie dans ce que je fais. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dieu est merveilleux. C'est pourquoi ce qu'il fait nous dépasse. Si nous en parlons ce soir avec aisance, c'est parce que la lumière est apparue. C'est vrai, nous sommes au temps de la révélation. Dans Tite au chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Source de salut de tous les hommes a été manifestée. C'est dans le conseil, de sa volonté, qui est le bureau d'études de Dieu, que tous les éléments ont été harmonisés pour que Dieu ne soit pas un menteur. C'est vrai. Dans Ésaïe 33, dans son verset 6, il est dit, tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source du salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Nous y reviendrons. C'est vrai, frère. Le conseil de la volonté avait travaillé pour trouver solution à tous ces problèmes posés sans écarter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de l'homme, la présence de Dieu. Les conseils a mis chaque chose à sa place, tout en laissant la volonté de Dieu souverain, tout en laissant la volonté de Dieu souverain et la volonté de l'homme libre. L'Église est avec moi dans les conseils de sa volonté, les conseils au moyen de la sagesse et de l'intelligence a mis chaque chose à sa place, tout en laissant la volonté de Dieu souveraine. Voyez, parce que Dieu voulait sauver les gens. Et il a aussi laissé la volonté de l'homme libre. C'est vrai. C'est-à-dire, sans écarter Dieu et l'homme dans ses plans et leur désir. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes sœurs. La volonté de Dieu n'a rien écarté. Le conseil de la volonté de Dieu a respecté la volonté de Dieu. Le conseil, la sagesse et l'intelligence a dit, ta volonté elle est souveraine. Je ne peux pas y toucher. Voyez, le conseil a respecté ça. Et le conseil a dit aussi, toi la volonté souveraine, tu dois aussi respecter la volonté et la liberté de l'homme. Parce que toi Dieu, tu as ta volonté, tu as ton désir, tu as ton vouloir. L'homme aussi a sa volonté, il a son vouloir, il a son désir. Toi tu es libre, l'homme aussi est libre. Voyez mes frères, voyez mes sœurs, c'est des conseils. Ni mashauri. Les conseils de sa volonté. Shauri ya mapenzi ya Mungu. Jacob qui a harmonisé toutes ces choses. Jo ilipatanisha hivi vitu vyote. Pour dégager. Ya kuleta. Une solution définitive. Ya lote. C'est pourquoi vous voyez. Jo kwa maana Mungu naona. Comme je vous disais. Vile nalikuwa naniambia masiku ilipita. Dans ce que Dieu fait. Muile Mungu yuko nafanya. Il y a de la perfection. Mungu ukamilifu. Il y a une harmonie. Mungu mapatano. Parfaite en toutes choses. Kamilifu mubila mukila kitu. Angalia kitu kiote Mungu aliumba. Regarde tout ce que Dieu a créé. Amuna fai. Il n'y a pas de fai. Amuna kosona. Unaona ndugu mpenzi. Dans les conseils de sa volonté. Mushauri ya mapenzi. Que ma plan yote. Que tous les Mungu alipasha kufanya mudunia. Que Dieu devait. Tu as été harmonisé. Yote bilipatanishwa. Pour que Dieu ne soit pas aimanté. Que Mungu asionekane kwa Mungu. C'est pourquoi frère. Joko mana ndugu. Joko parete nemwambia kai. C'est pourquoi nous vous disons. Si Dieu est ta kama Mungu alikuonaka sauvé mwenye kokolewa si ta vie dans les kama litanguria kokuona muumbilele kokolewa c'est soi ni mangaridi je sauvé unesha okolewa c'est vrai frère ni kweli nduku c'est vrai ma sœur ni kweli dada si Dieu ta vie kama Mungu alitanguria dans l'éternité là mune muumbilele porte une chemise bleue mwenye kufuana une robe blanche kanzu mweupe une jupe noire wala jupe mweupe c'est soi mangaridi c'est que tu es beau c'est que tu es habillé ndio ile unavaa c'est pour donner raison à tout ce que Dieu à ce qu'Elohim avait délibéré dans son conseil où le Bwana na kuoa ndio le Mungu alitangulia kukonea depuis mon conseil bien avant dans son conseil de sa volonté. C'est pourquoi Satan trouble les gens. Shetani anavurushwa watu. Frère anaisha kwa bibi. Le frère a épousé une femme. Jo Satan anamwambia mwanamke akupenda mampenzi. Limonte na femme maquillée. Vous voir que sa femme est mauvaise. Tu es loin de mauvais esprit. Una pakaliwa na mapepo mchafu. C'est vrai frère. Ni ndio ndugu. Aucun homme. Hakuna mtu. Ne peut s'écarter. Achezi kutoka. De ce que la pression de Dieu avait vu sur lui. C'est vrai frère. Ata il est nyumba au konekala. Si tu es locataire. Déjà dans l'éternité. Je t'avais vu être locataire dans cette maison là. Na il est nyumba au konayenga. Je t'avais vu au konayenga. Dans la présence de Dieu. Je t'avais vu ici à Kambo. Frère. C'est pourquoi, si dans la présence de Dieu, kama mukutangulia kujua Mungu, t'avais vu à Kambo, Mungu alikuona kama Kambo, soit tu te précipites à Lubumbashi, tu vas souffrir, tu vas peiner, Benjako va t'endelea, les autres vont te respirer, parce que Dieu ne t'a jamais vu là-bas, c'est par ton incrédulité, à cause de ton libre arbitre, de ton vouloir, de ton envie, que tu es allé habiter un endroit où tu ne t'as jamais connu. C'est pourquoi avant d'aller quelque part, dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Voyez bien mes frères, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On va continuer. Tutaendelea baadaye. Vous commencez à comprendre quelque chose. Nawazia munaanza kuelewa wako. Qui a compris? Nani ule anaelewa? Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Allons continuer. Tutaendelea. Atuyamaliza pana. Voyez le travail du bureau de. Unaona kazi ya. C'est pourquoi on vous disait. Ofisi ya majifunzo. Une entreprise. Wakati kampuni fulani. Néglige le bureau de Dieu. Inasula ofisi ya majifunzo. Cette église là, cette entreprise. Manake ile kampuni itaanguka. Le bureau d'études. Ofisi ya majifunzo. C'est la survie. Jo bujima. De tous les projets. Ya mapu yote. Ah, de l'entreprise. Ya kampuni. C'est vrai frère. Nikweli nduku. Tout ce que Dieu a fait. Ile yote Mungu alifanya. Et tout ce qu'il fera. Na ile yote atafanyaka. Tout a été décidé. Yote walichugua sawa imbango. Dans le conseil de sa volonté. Mule mushauri ya. Même Jésus. Na Yesu mwenyewe. A été décidé. Alichuguliwa dans le conseil de sa volonté. Mule mushauri. Même la croix. A été décidé. Dans le conseil de sa volonté. Mule mushauri. Même l'instant. A été décidé. Tout. Le conseil de la volonté. Avait tout fait. Mushauri ya. Tout harmonisé. Mapenzi yake. Mule baritengeneze vitu vyote. pour que toi tu sois là. Jouwe, upate kuwako. Si tu es couvert par le sang de Christ, kama unashofunikwa na damu ya Yesu, toi étais déjà traité. Yote barikuwa nesha hivi. C'est pourquoi un chrétien nifunza mule n'a peur de rien. Jo kwa maana mukristo haogopake kitu. Frère, ndugu, nous sommes sûrs. Tuko na hakikisho. Nous sommes des élus. Tuko bateule. Moi je suis un élu. Mimi niko mteule. Moi je suis un élu. Mie, si toi tu n'es pas élu, hein, c'est ton affaire. Moi je suis un élu. Mie, moi je suis un élu. Mie, niko mteule. Même si j'ai des fautes dans Ata la chair, niko na makosa je suis élu. Niko mteule. Oui, wakati unangalia bilema byangu. Lorsque toi tu regardes mes fautes. Dieu n'a pas vu cela dans sa pensée là. Dans le conseil de la volonté. Il avait déjà traité namna kuisha bulema yangu. Kwa nisha uchugua mipango koma eskiva. Termine mes fautes. Tu te fais de la peine pour rien. Kamono shimanga mtoto wa Mungu. Si tu critiques un enfant de Dieu. Tu te fais de la peine. Ah, on a kitu utaongeza. Ah, on a kitu utapunguza. Kumacho ya Mungu. Peke Dieu a décidé. Reste décidé. Itabakia paka vile mipango yake. Tusimame juu ya maombi. Il est bon. Ni muzuri. Prions. Tuombe. Verset 10. Ce soir.